L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Ce samedi 20 janvier se déroulera une matinée portes ouvertes au pôle formation des industries technologiques à Maxéville de 8h30 à 12h. Guillaume Bondan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint chargé de l'apprentissage. Première question, tout simplement, à qui va s'adresser cette matinée ? Eh bien, cette matinée, elle s'adresse à nos futurs apprenants, aux futurs apprentis de l'industrie qui sont intéressés par les métiers et qui s'interrogent sur les possibilités de formation dans le domaine industriel et dans le domaine notamment de l'industrie du futur et de tous les nouveaux métiers qui sont associés. Ça s'adresse au public de 15 à 30 ans. De 15 à 30 ans. Alors, peut-être présenter en quelques mots ce pôle formation industrie à Maxéville. Le pôle formation des industries technologiques qui se trouve à Maxéville est en fait un pôle formation des industrie technologique Lorraine. C'est sur le territoire régional le leader de la formation industrielle et c'est un outil qui permet de créer les compétences dont les industriels ont besoin. Et ces compétences, elles sont présentes dans différentes filières de formation qui sont la production, l'organisation, le management, l'amélioration continue. Ensuite, la partie génie mécanique productique, tout ce qui est usinage, fabrication additive, il y a des grosses possibilités d'évolution actuellement sur toutes les technologies d'impression 3D, notamment qu'on retrouve maintenant dans l'industrie. On a également une filière qui est la chaudronnerie, tuyauterie, soudage, également avec des fortes demandes de la part de nos partenaires industriels. Et enfin, un domaine qui plaît beaucoup, qui attire énormément de jeunes publics, qui est la partie mécatronique, donc tous les environnements connectés, les notions de big data, de transfert d'informations entre les machines, de maintenance et d'électrotechnique. Ce samedi, il y a donc 6 sites en Lorraine qui ouvrent leurs portes, dont Maxéville, mais aussi dans les Vosges et en Moselle. Le site de Maxéville est spécialisé dans un certain secteur. Le site de Maxéville, comme le site de Thionville-Lutz, c'est un site assez important. Donc l'ensemble des filières est représenté, avec des formations du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Dès l'âge de 15 ans, en fait, on peut être concerné par ces portes ouvertes ce samedi matin. Bien sûr, et même avant, tout simplement pour préparer son orientation, pour pouvoir affiner un projet professionnel, c'est important de venir rencontrer des acteurs comme nous, tout simplement parce qu'on a un outil de formation qui est extrêmement avancé en termes de technologie, et puis ça permet de voir aujourd'hui quel est le visage de l'industrie et de découvrir surtout des métiers qui sont en train d'émerger et de bien se rendre compte des technologies et de l'évolution des métiers qu'il y a eu, comme une évolution telle que celle qu'on a pu connaître sur nos smartphones. Et ben on retrouve la même chose dans les ateliers du pôle formation. Donc je vous laisse imaginer la surprise des visiteurs lorsqu'ils découvrent les moyens sur lesquels sont formés nos jeunes. Alors comment va se passer cette journée portes ouvertes samedi matin ? Donc ça se passe sur le site Saint-Jacques 2, 10 rue Alfred Kassler. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place ? Place, déjà bien entendu, vous êtes accueillis par nos équipes qui sont, il faut le souligner, composées là pour l'occasion des salariés du pôle formation, mais aussi des apprentis, et vous êtes pris en charge pour un voyage dans l'industrie du futur, pour une visite guidée qui vous fera traverser les différents pôles de notre outil de formation, les pôles sciences, les pôles communication, et ensuite tout l'enchaînement des pôles techniques où là vous découvrirez les différents aspects du métier. Et ce qui est important de préciser, c'est que les équipes sont présentes, les jeunes apprentis sont présents également, et ça permet d'établir un dialogue et un lien entre les familles et aussi entre nos futurs apprentis qui viennent nous visiter là pour se préinscrire et les apprenants qui sont déjà dans le cycle de formation. Quel type de formation ? Des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation ? L'avantage du pôle formation, c'est qu'il permet de répondre à des demandes de divers publics. Effectivement, un des axes, c'est l'apprentissage avec les 15-30 ans, mais cet outil permet aussi de former des demandeurs d'emploi et des salariés d'entreprise. Là, nous sommes sur les portes ouvertes du pôle formation, mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on est ouvert pour accompagner les gens, quel que soit leur cursus de départ ou alors leur situation professionnelle, et leur permettre de leur apporter l'éclairage nécessaire pour faire les bons choix en termes de projets professionnels et surtout leur présenter ce qui est aujourd'hui les métiers industriels. Pour des jeunes qui viendraient ce samedi, est-ce qu'il faut se munir d'un CV, de lettre de motivation ? Ah, bien sûr, tout à fait. C'est important de venir avec ces éléments, tout simplement parce que ça nous permettra d'établir, de répondre aux éventuelles questions, de donner des conseils sur la façon de rédiger ces éléments. Mais ce qu'il faut se dire également, c'est que pour une préinscription lors de la journée porte ouverte de samedi, on planifie très rapidement derrière un entretien avec les équipes de recrutement pour que les jeunes soient préparés aux futurs entretiens qu'ils auront avec les entreprises d'accueil. Il y a un rôle très important, et ça faut vraiment bien le préciser, il y a un rôle très important que nous assumons en termes d'accompagnement dans la mise en relation des candidats avec les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire votre entrée au pôle formation des industries technologiques sereinement, même sans signature de contrat d'apprentissage. On vous accompagne pendant toute la phase qui démarre à la préinscription, pour certains, ce qui sera samedi matin, jusqu'à la signature du contrat qui permettra de basculer vers le statut d'apprenti. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une entreprise d'accueil pour venir nous rencontrer. Voilà, c'est important de le signaler. Donc, premier rendez-vous de portes ouvertes ce samedi 20 janvier de 8h30 à 12h à Maxéville, mais aussi sur d'autres sites en Lorraine. Il y aura aussi un autre rendez-vous en mars, je crois. C'est ça, le 24 mars, lors de la semaine de l'industrie, une deuxième matinée porte ouverte qui nous permettra d'accueillir le public qui... On tient à le souligner, aujourd'hui on a vraiment une évolution en termes d'attractivité de nos métiers, c'est avec vraiment une grande fierté qu'on le souligne. Les apprentis aujourd'hui sont davantage conscients de l'intérêt de l'information par apprentissage. On remarque une élévation du niveau et des candidatures, une augmentation de l'implication des jeunes dans leur formation et surtout une satisfaction grandissante des industriels qui voient de plus en plus de jeunes femmes s'orienter vers ces métiers-là, qui voient des jeunes femmes et des jeunes hommes qui amènent des technologies qu'ils ont découvertes au sein du pôle formation dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment une victoire pour notre branche professionnelle et le développement de l'apprentissage. Parce que c'est un élan qu'on remarque là depuis 2 ans maintenant et qui se confirme à chaque jour lorsqu'on voit des nouveaux publics qui arrivent dans nos centres de formation. Eh bien, merci beaucoup. De belles opportunités donc à découvrir dès ce samedi matin donc sur le site Saint-Jacques 2 à Maxéville, des rues Alfred Kassler. Guillaume Bourdon, merci. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.